Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons, en ce lundi matin, faire un petit résumé de ce qu'on a vu jusqu'à date, chapitre 1 et 2, et nous allons compléter le chapitre 2. Notre bon Père du ciel, tu es avec chacun de nous qui écoutons cet enseignement, tu es avec chacun de nous, lorsque nous sommes dans nos maisons, dans nos autos, dans nos chambres à coucher, peu importe où est-ce que nous sommes, tu es présent avec chacun de nous. Tu veux nous parler à chacun de nous à travers les Écritures. Donc, instruis-nous aujourd'hui. Nous reconnaissons le besoin de ton Esprit Saint pour bien comprendre ce que tu veux nous faire comprendre à ton sujet et au sujet de ton Fils Jésus. Amen. L'apôtre Jean, on a vu ensemble depuis le début, a une idée en tête quand il nous parle. Ces choses vous ont été écrites afin que vous sachiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Je le répète, dans l'évangile de Jean, le Christ, Fils de Dieu, ce n'est pas Fils de David, parce qu'il y a un Christ fils de David, mais il y a un Christ fils de Dieu. Matthieu parle du Christ fils de David. Jean, lui, a consacré son évangile à nous parler que Jésus était le Christ, le fils de Dieu. Comment amener les gens à croire que l'homme avec lequel ils ont marché, parlé, dormi, était Dieu fait chair? Était le Dieu créateur du ciel et de la terre qui existait depuis toujours. Il va partager sa propre expérience, comment lui, à travers les 3 ans qu'il a vécu avec Jésus, il est venu à croire cela. On a vu dans le chapitre 1, jusqu'au verset 18, Jean prend le temps de nous décrire l'ensemble de ce qu'il a découvert par rapport à Jésus. Exemple, au commencement de toute chose, était, donc la parole était déjà existante avant le commencement de toute chose. Elle était avec Dieu, donc ils étaient deux, et il était Dieu. Donc la parole était avec, donc c'est au moins 2 personnages, et ils étaient aussi Dieu. Cette parole était le Créateur, cette parole était la vie, cette parole était la lumière. Et on a vu ensemble que Dieu avait envoyé un témoin, Jean, pour rendre témoignage à la lumière. C'est Jean-Baptiste dont on parle ici. Ensuite, il nous a dit que cette parole qui était avec Dieu dans les cieux, un jour a décidé de s'incarner dans la personne de Jésus. Donc, elle s'est incarnée pour venir habiter parmi nous, pour nous emmener la vérité au sujet de Dieu et de lui-même qui était le Christ. Et il dit dans son entrée, dans son introduction, « Si vous croyez en lui, il va vous donner le pouvoir de devenir des enfants de Dieu pour l'éternité. » Ensuite, on a commencé à regarder le chapitre, à partir du verset 19, le témoignage, le premier témoignage de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a rendu témoignage de la personne de Jésus. Il a dit, il est l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. Juste cela, l'agneau de Dieu, ça nous parle de son origine, il vient de la même place que Dieu, parce que Dieu n'a pas choisi son agneau dans le monde, mais dans son monde à lui, dans le monde céleste. Et cet agneau-là qu'il va offrir va ôter le péché du monde. Dans Jean, il n'est pas autant intéressé à nous parler qu'il va enlever nos péchés personnels, mais il va faire disparaître le péché du monde. Donc, le monde va exister à nouveau sans péché, comme il existait avant la chute de l'être humain. Et on a vu ensuite qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était celui qui baptisait du Saint-Esprit. Donc, pour pouvoir baptiser du Saint-Esprit, on a vu ensemble qu'il faut être soi-même Dieu. Je ne peux pas, moi, baptiser quelqu'un avec Dieu. J'ai pas le privilège ou le pouvoir de prendre Dieu et de baptiser les gens avec. J'ai le pouvoir d'annoncer l'Évangile, mais j'ai pas le pouvoir de prendre Dieu et de baptiser les gens avec. C'est Jésus étant celui qui baptise de l'Esprit de Dieu et par ce fait même Dieu lui-même. Ensuite, on a vu les témoignages des apôtres, des premiers disciples, qui ont décidé de suivre Jésus après avoir entendu Jean-Baptiste parler. Ils ont dit, nous avons trouvé le Messie, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé et dont les prophètes ont écrit, et nous avons trouvé le roi d'Israël, le Fils de Dieu. Quand on a vu ensemble aussi les dernières fois, quand Jésus a rencontré Pierre, André, Jean, Nathanaël, Philippe, il a accepté d'être appelé le Messie, le prophète, le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Il a accepté cela de ses disciples. Il n'a pas dit, non, non, vous vous trompez. Ne parlez pas de moi de même, c'est du blasphème. Il a accepté toutes ces déclarations-là. Et on a vu ensemble que pendant qu'on lui disait cela, lui a manifesté des attributs. On a vu qu'il était omniscient. Okay? Il sait toutes choses. Il connaît le cœur de Nathanaël. Il connaît l'avenir de Pierre. Il est omniscient. Il est omniprésent, qu'on a vu ensemble, parce qu'il était dans la présence de Nathanaël, même s'il était encore à des kilomètres de là avec ses disciples. Il dit, je t'ai vu sur le figuier, parce que je vois tout être humain. Je suis omniprésent. Et on a vu dans chapitre 2, les noces de Cana, où est-ce que Jésus a manifesté son omnipotence. Il crée des choses à partir de rien. Il a pris de l'eau et il en a fait du vin. Pour prendre de l'eau et en faire du vin, il faut qu'il ajoute les éléments qui n'étaient pas dans l'eau pour faire du vin. Donc, il a créé des éléments pour faire du vin. Ensuite, on a vu les déclarations qu'il a faites dans le temple. Quand il dit « c'est la maison de mon Père, le zèle de la maison de Dieu me dévore », on a vu ça ensemble. Et toutes ces déclarations font de Jésus un Dieu. Même là, quand il a dit « détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours », Jésus parle, il sait l'avenir, il sait qu'est-ce qui va y arriver, donc il est omniscient. Il sait qu'il va mourir, il sait qu'il va se ressusciter 3 jours plus tard. Il est omniscient et omnipotent pour faire cela. Il n'a pas été ressuscité par quelqu'un d'autre. Il s'est ressuscité lui-même de la mort parce qu'il est Dieu. Et seulement Dieu peut faire ça. Aujourd'hui, on est rendu au verset, on va lire à partir du verset 23, 24 et 25. Lisons ensemble. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Très grande vérité ici. Et je vais le dire et je vais le répéter à quelques reprises. Dans l'évangile de Jean, ceux qui suivent Jésus à cause des miracles, Jean fait exprès de dire que c'était pas la bonne raison. Que ces gens-là, souvent, ont parti. Tu suis à cause des miracles, t'as plus de miracles et tu t'en vas. Tu vois des miracles et Jésus fait des déclarations et les déclarations te déplaisent et tu t'en vas. On va voir au chapitre 6, quand Jésus va parler, plusieurs de ses disciples ne le suivirent plus. Ils l'ont abandonné. Quand tu suis Jésus pour les mauvaises raisons, c'est juste une question de temps, tu vas abandonner aussi, comme j'ai vu, comme vous avez peut-être aussi vu, des centaines de gens commencer la vie chrétienne et abandonner pour toutes sortes de raisons. Ici, c'est la fête de Pâques. On se souvient que Jésus avait descendu à Jérusalem parce que c'était la Pâque. Pendant qu'il était là, Jésus a fait beaucoup de miracles. Et beaucoup de gens ont été emballés par Jésus à cause des miracles. Et dans l'évangile de Jean, ceux qui voient les miracles et qui suivent à cause des miracles ne disent pas que Jésus est Dieu. Ils vont peut-être déclarer, comme on va voir avec Nicodème, « Ah, tu es un enseignant venu de Dieu, tu es un prophète », mais ils diront pas qu'ils sont Dieu. Et on va voir que Jésus va faire des reproches à ceux qui suivent à cause des miracles, comme il le fait ici, au verset 24. « Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. » Ici, nous, on est au verset 23, on aurait dit « Yes, hey, des bons contacts, ils suivent Jésus, ils sont tous emballés parce qu'ils ont vu des miracles, et ils ont déclaré croire en Jésus, puis tout ça. » Mais Jésus connaît le cœur des gens. Il dit « Vous me suivez pas pour les bonnes raisons. » Je l'ai dit, et je vais le répéter, dans l'évangile de Jean, le minimum pour que Jésus t'accepte, pour que Jésus te donne la vie, c'est que tu crois qu'il est le Fils de Dieu. Il faut que tu crois qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. C'est pour ça qu'il va déclarer plus loin, « Si vous ne croyez pas qui je suis, vous allez mourir dans vos péchés. » Peu importe si vous me suivez pour toutes sortes d'autres raisons, si vous ne croyez pas qui je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Et si les gens suivent Jésus à cause des miracles, mais ils ne suivent pas parce qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, qui est d'origine céleste, qui a une nature divine. Ils ne le suivent pas à cause de ça, donc c'est pas suffisant. Et Jésus ne se fie pas à ces gens. C'est important qu'on analyse les raisons d'être pourquoi on le suit. Pourquoi est-ce que je suis Jésus? Beaucoup de gens de ma génération, de la première génération de chrétiens, on a suivi Jésus parce qu'on nous a présenté un moyen d'éviter l'enfer. T'es pécheur, tu mérites l'enfer, mais si tu crois en Jésus qui est mort sur la croix, tu vas aller au ciel. Donc on a accepté Jésus, on a cru en Jésus, parce que ça nous sauvait de l'enfer et ça nous donnait le privilège d'aller au ciel. Est-ce que c'était une raison suffisante? Il faut premièrement que je croie en celui qui va mourir sur la croix avant de croire qu'il est mort sur la croix. Ou le pourquoi qu'il est mort sur la croix. Si le personnage qui est sur la croix n'est pas le personnage qui est le Messie, le Fils de Dieu, ça me sauvera pas, même si je croirais qu'il est mort sur la croix. Il faut que je croie qu'il est le Fils de Dieu. Au verset 25, il fait une autre déclaration qu'on a déjà vu, mais que Jean va le répéter, mettre une emphase. Il dit, il ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Il sait ce qu'il y a dans l'homme. Il fait pas juste savoir que l'homme est pécheur. Il sait ce qu'il y a dans l'homme. On va le voir qu'il sait ce qu'il y a dans l'homme avec Nicodème. Il sait ce qu'il y a dans l'homme avec la femme samaritaine. Il sait ce qu'il y a dans l'homme avec celui qui est à la piscine de Bethsaïda. Il sait ce qu'il y a dans l'homme avec l'aveugle-né. Il sait ce qu'il y a dans l'homme, dans Marie et dans Marthe et dans Lazare. Il connaît le cœur de tous les hommes. Il connaît toutes les vies de tous les hommes. Seulement Dieu a ce pouvoir-là. Donc, Jean vient à la conviction que Jésus connaît le cœur de tous les hommes et qu'ils n'ont pas besoin de rendre témoignage des hommes. Il connaît tous les hommes. J'ai pas besoin de m'approcher de Jésus pour lui dire comment je suis. Il me connaît plus que je me connais moi-même. C'est une grande vérité par rapport à Jésus. Donc, personne ne peut s'approcher de Jésus, ni moi, ni toi, ni personne ne peut s'approcher de Jésus, soit dans la lecture, soit dans la prière, et d'apprendre quelque chose à Jésus. Des fois, on a l'impression que quand on parle avec Dieu, quand on écoute les chrétiens parler avec Dieu dans la prière ou quoi que ce soit, on a quasiment l'impression qu'on est en train d'apprendre à Dieu quelque chose qu'il ne savait pas. Jésus connaît tous les cœurs et tous les événements et toutes les vies. J'y apprends rien quand je parle de mes enfants, quand je parle de ma femme, quand je parle de mes amis, quand je parle des inconvertis. J'y apprends jamais rien. Il sait toutes choses. Je me souviens la première fois que j'ai dit ça à mes enfants qui avaient entre 5 et 10 ans. J'ai dit, savez-vous une chose? Nous, on apprend des choses à tous les jours, mais savez-vous que Dieu n'apprend jamais rien? Je me souviens de leur figure qui était comme les yeux agrandis. Hein? Il n'apprend jamais rien? Non, de tous les temps, il sait toutes choses. Donc, vous pouvez pas avoir de petits secrets avec Jésus. Je peux avoir des petits secrets avec mon conjoint, avec mes enfants, avec mes parents. Je peux avoir des petites choses que je cache à mes patrons. Et des fois, j'aime mieux qu'ils sachent pas ces petits secrets-là. Mais il n'y a pas de petits secrets avec Dieu. Dieu connaît les cœurs de tous les hommes. C'est pour ça qu'il nous a dit ailleurs, vous autres les êtres humains, vous regardez à ce qui frappe les yeux. Vous regardez à ce qui est palpable, visible. Moi, je regarde dans les cœurs. Et aucun cœur n'est caché devant moi. Et ça, c'est une grande bénédiction de savoir que quand je m'approche de Dieu, j'ai pas à mettre un masque. J'ai pas assez de me montrer meilleur que je suis. J'ai pas assez de cacher mes péchés ou mes motivations. Il les connaît tous. Mais ça l'empêche pas de m'accorder la vie quand je crois qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Parce que souvenez, quiconque croit en lui va avoir la vie éternelle. On va le voir ça dans les jours qui viennent. On va voir qu'est-ce qu'il veut dire par la vie ou la vie éternelle. Pour nous, ce matin, nous avons une autre preuve de l'omniscience de Jésus. Un homme ne pourrait pas être comme cela. Donc Jésus était un homme, mais il était plus qu'un homme. Il était un homme qui avait la nature divine, qui était omniscient. Demain, je vais revenir avec ces quelques versets pour faire la suite avec Nicodème, parce qu'il y a une suite entre les deux. Nous, on change de chapitre dans nos Bibles, des fois on oublie qu'il y a une continuité là avec Nicodème. Et il va nous prouver qu'il connaît les cœurs, parce que quand il va parler avec Nicodème, il va lui dire à Nicodème, « Je connais ton cœur, Nicodème, et je sais que tu as besoin de naître de nouveau. » Notre bon Père du ciel, merci que le Messie que nous avons, le Sauveur que nous avons, est le Fils de Dieu. Il est divin. Et ça nous rassure parce que le salut que nous proclamons est tellement grand, tellement magnifique, que ça prend un Dieu pour l'accomplir. Parler du salut des Écritures en parlant juste d'un homme, ça l'amènerait des doutes dans notre vie. Mais rien n'est étonnant, il n'est impossible à un Dieu ou à Dieu. Merci Seigneur d'un tel Messie que tu as envoyé sur la terre. Amen.